La peste écarlate par Jack London. Chapitre 1er. Sur l'antique voie ferrée. Le chemin, à peine tracé, suivait ce qui avait été jadis le remblai d'une voie ferrée que depuis bien des années aucun train n'avait parcouru. À droite et à gauche, la forêt qui escaladait et gonflait les pentes du remblai l'enveloppait d'une vague verdoyante d'arbres et d'arbustes. Le chemin n'était qu'une simple piste, à peine assez large pour laisser passer deux hommes de front. C'était quelque chose comme un sentier d'animaux sauvages. Ça et là, un morceau de fer rouillé apparaissait, indiquant que sous les buissons, rails et travers subsistaient. On voyait, à un endroit, un arbre surgir qui, en croissant, avait soulevé en l'air, avec lui, tout un rail qui se montrait à nu. La lourde traverse avait suivi le rail, auquel elle était rivée encore par un écrou. On apercevait, au-dessous, les pierres du ballast, à demi recouvertes par des feuilles mortes. Ainsi, rail et traverse, bizarrement enlacés l'un dans l'autre, pointaient vers le ciel, fantomatiques. Si antique que fût la voie ferrée, on reconnaissait sans peine à son étroitesse qu'elle avait été à voie unique. Un vieillard et un jeune garçon suivaient le sentier. Ils s'avançaient lentement, car le vieillard était chargé d'en. Un début de paralysie faisait trembloter ses membres et ses gestes, et il peinait en s'appuyant sur son bâton. Un bonnet grossier de peau de chèvre protégeait sa tête contre le soleil. De dessous ce bonnet pendait une maigre frange de cheveux blancs, sales et souillés. Une sorte de visière, ingénieusement faite d'une large feuille courbe, gardait les yeux d'une trop vive lumière. Et sous cette visière, les regards baissés du bonhomme suivaient attentivement le mouvement de ses pieds sur le sentier. Sa barbe, qui descendait en masse, tout emmêlée jusqu'à sa ceinture, aurait dû être, comme les cheveux, d'une blancheur de neige. Mais, comme eux, elle témoignait d'une grande négligence et d'une grande misère. Un sordide vêtement de peau de chèvre, d'une seule pièce, pendait de la poitrine et des épaules du vieillard, dont les bras et les jambes, péniblement décharnés et la peau flétrie, témoignaient d'un âge avancé. Les écorchures et les cicatrices qui les couvraient, et le ton bruni de l'épiderme, indiquaient de leur côté que depuis longtemps l'homme était exposé aux heurts de la nature et des éléments. Le jeune garçon marchait devant, réglant l'ardeur robuste de ses jarrets sur les pas lents du vieillard qui le suivait. Lui aussi n'avait pour tout vêtement qu'une peau de bête. Un morceau de peau d'ours, au bord déchiqueté, avec un trou en son milieu, par où il avait passé la tête. Il semblait avoir 12 ans au plus, et portait coquettement juché sur l'oreille une queue de porc fraîchement coupée. Dans une de ses mains, il tenait un arc de taille moyenne et une flèche. Sur son dos était un carquois rempli de flèches. D'un fourreau, pendu à son cou par une courroie, émergeait le manche noueux d'un couteau de chasse. Il était aussi noir qu'une mûre et sa souple allure ressemblait à celle d'un chat. Ses yeux bleus, d'un bleu profond, étaient vifs et perçants comme des vrilles, et leur azure formait un étrange contraste avec la peau brûlée par le soleil qui les encadrait. Ses yeux semblaient épier sans trêve tous les objets ambiants, et les narines dilatées du jeune garçon ne palpitaient pas moins, en un perpétuel affût du monde extérieur, dont elle recueillait évidemment tous les messages. Son ouïe paraissait aussi subtile et à ce point était-elle exercée qu'elle opérait automatiquement sans même une tension de l'oreille. Tout naturellement et sans effort, celle-ci percevait, dans le calme apparent qui régnait, les sons les plus légers, les départageait entre eux et les classait. Que ce fût le frôlement du vent sous les feuilles, le bourdonnement d'une abeille ou d'un moucheron, ou le bruit sourd et lointain de la mer, qui n'arrivait que comme un faible murmure, ou l'imperceptible grattement des pattes d'un petit rongeur dégageant la terre à l'entrée de son trou. Soudain, le corps du jeune garçon s'alerta et se tendit. Simultanément, le son, la vue et l'odeur l'avaient averti. Il tendit la main vers le vieux, et l'en toucha, et tous deux se tinrent coi. Devant eux, sur la pente du remblai et vers son sommet, quelque chose avait craqué, et le regard rapide du jeune garçon se fixa sur les buissons dont le faîte s'agitait. Alors, un ours grizzly, surgit bruyamment, en pleine vue, et lui aussi s'arrêta net à l'aspect des deux humains. L'ours n'aimait pas les hommes. Il grogna grincheusement, lentement et prêt à tout événement, le jeune garçon ajusta la flèche et entendit la corde sans quitter la bête du regard. Le vieux, sous la feuille qui lui servait de visière, épiait le danger et pas plus que son compagnon ne bougeait. Pendant quelques instants, l'ours et les deux humains se dévisagèrent mutuellement. Puis, comme la bête trahissait, par ses grognements, une irritation croissante. Le jeune garçon fit signe au vieillard d'un léger signe de tête qu'il convenait de laisser le sentier libre et de descendre la pente du remblai. Ainsi agirent-ils tous deux, le vieux allait devant, l'enfant le suivant à reculons, l'arc toujours bandé et prêt à tirer. Une fois en bas, ils attendirent, jusqu'à ce qu'un grand bruit de feuilles et de branches froissées, sur l'autre face du remblai, les eût avertis que l'ours en était allé. Ils regrimpèrent vers le sommet, et le jeune garçon dit, avec un ricanement prudemment étouffé, « C'en était un gros, grand-père !» Le vieillard fit un signe affirmatif. Il secoua tristement la tête et répondit d'une voix de fausset, pareille à celle d'un enfant, « Ils deviennent de jour en jour plus nombreux. Qui aurait jamais pensé, autrefois, que je vivrais assez ? Pour avoir le temps, il y aurait danger pour sa vie à circuler sur le territoire de la station balnéaire de Cliff House. » Au temps dont je te parle, Edwin, alors que j'étais moi-même un enfant, homme, femme, petit garçon, petite fille et bébé, accourait ici par dizaines de milles hors de la belle saison. Et il n'y avait pas d'ours alors dans le pays, je te l'assure bien. Ou du moins, ils étaient si rares qu'on les mettait dans les cages et que l'on donnait de l'argent pour les voir. De l'argent, grand-père, qu'est-ce que cela ? Avant que le vieillard eût répondu, Edwin, se frappant la tête, s'était souvenu. Il avait insinué sa main dans une sorte de poche, ménagée sous sa peau d'ours, et en avait tiré triomphalement un dollar en argent, tout bossué et terni. Les yeux du bonhomme s'illuminèrent, tandis qu'il se penchait sur la pièce. « Ma vue est mauvaise, » marmotta-t-il. « Toi, regarde, Edwin, si tu peux déchiffrer la date qui est inscrite. » L'enfant se mit à rire et s'exclama tout hilar. « T'es étonnant, grand-père. Toujours tu vas me faire croire que ces petits signes qui sont là-dessus veulent dire quelque chose. » Le vieux gémit profondément et amena le petit disque métallique à 2 ou 3 pouces de ses propres yeux. « 2012 » finit-il par s'exclamer. Puis il s'abandonna un cocasse caquetage. « 2012 », c'était l'année où Morgan V fut élu président des États-Unis par l'Assemblée des Manias. Ce dut être une des dernières pièces frappées, car la mort écarlate survint en 2013. « Seigneur, Seigneur, quand j'y songe !» Il y a de cela 60 ans, et je suis aujourd'hui le dernier survivant qui ait connu ce temps-là. Cette pièce, Edwin, où l'as-tu trouvée ? Edwin, qui avait écouté son grand-père avec la condescendance bienveillante que l'on doit au radotage de ceux qui sont faibles d'esprit, répondit aussitôt. « C'est Ouhou qui me l'a donnée. Il l'a trouvée en gardant ses chèvres près de San José, au printemps dernier. Ouhou dit que c'est de l'argent. Mais, grand-père, n'avez-vous point faim ? Remettons-nous en marche. » Le bonhomme, ayant rendu le dollar à Edwin, serra plus fort sur le bâton dans son poing et se hâta vers le sentier, ses vieux yeux brillants de gourmandise. « Espérons, murmura-t-il, que Bec de Lièvre aura trouvé un crabe, peut-être 2. C'est bon à manger, l'intérieur des crabes, très bon à manger quand on n'a plus de dents. Et lorsqu'on a des petits-fils qui aiment bien, comme vous, leur grand-père, et se font un devoir de leur en attraper. Lorsque j'étais enfant, mais Edwin, ayant vu quelque chose, s'était arrêté, et le doigt sur ses lèvres avait fait signe à l'ancêtre qu'il se tut. Il ajusta une flèche sur la corde de son arc, et s'avança, en se dissimulant, dans une vieille conduite d'eau à moitié éclatée, qui avait, en crevant, fait rompre un rail. Sous la vigne vierge et les plantes en pente qu'il recouvrait, on apercevait le gros tube rouillé. Le jeune garçon arriva ainsi en face d'un lapin, assis sur son derrière près d'un buisson et qui le regarda, hésitant et tout tremblant. La distance était bien encore de 50 pieds, mais la flèche vit la droite au but, avec la vitesse de l'éclair, et le lapin transpercé poussa un cri de douleur, puis se traîna en couinant jusqu'au buisson pour s'y réfugier. Le jeune garçon était comme la flèche un éclair de peau brune et de fourrure flottante. Tandis qu'il bondissait vers le lapin, ses muscles se détendaient comme des ressorts d'acier puissants et souples dans ses membres maigres. Il se saisit de l'animal blessé, l'achevant en lui cognant la tête contre un tronc d'arbre qui se trouvait à sa portée, puis, étant revenu vers le vieux, il le lui donna pour qu'il s'en chargeât. « C'est bon, le lapin, très bon, » marmotta l'ancêtre. « Mais en tant que friandise, délicieuse au goût, je préfère le crabe, quand j'étais enfant. » Edwin, impatienté de la vaine loquacité du vieux, l'interrompit. « Pourquoi, » dit-il en lui coupant la parole, « tant de phrases à propos de tout qui ne signifie rien ?» Il s'exprima moins correctement, mais tel était le sens approximatif de ses paroles. Son parler était guttural et impétueux, et le langage qu'il employait s'apparentait nettement à celui du vieux, qui était lui-même un dérivé, tant soit peu corrompu, de l'anglais. Edwin reprit. « Cela m'agace d'entendre à chaque instant des mots que je ne comprends pas. Pourquoi, par exemple, le grand-père appelle-t-il le crabe une friandise ? Un crabe, c'est un crabe, et rien de plus. Que veut dire ce sobriquet ?» Le vieillard soupira et ne répondit pas, et tous deux continuèrent à marcher en silence. Le bruit de ressac se faisait de plus en plus fort, et comme ils émergeaient tous deux de la forêt, la mer soudain apparut au-delà de grandes dunes de sable. Quelques chèvres broutaient parmi ces dunes une herbe rare, gardée par un autre jeune garçon vêtu de peau de bête et par un chien qui n'était plus qu'une faible réminiscence du chien et semblait bien plutôt un loup. Au premier plan s'élevait la fumée d'un feu que surveillait un troisième garçon, non moins hirsute d'aspect que les deux autres. Autour de lui se tenaient accroupis plusieurs chiens loups, pareils à ceux qui gardaient les chèvres. À une trentaine de yards de la côte, on voyait un groupe de rochers déchiquetés et au grondement des bas qui les battaient se mêlait une sorte d'aboiement profond. C'était le mugissement d'énormes lions marins qui s'y traînaient les uns pour s'y étendre au soleil, les autres pour se battre entre eux. Le vieillard se dirigea vers le faux en accélérant le pas et en reniflant l'air avidement. « Des moules !» s'exclama-t-il, extasié de sa petite voix chevrotante quand il fut arrivé. « Des moules !» « Et qu'est-ce ceci ou n'est-ce pas un crabe ? Mon Dieu, mes enfants, comme vous êtes bons pour votre grand-père !» Ouhou, qui semblait être à peu près du même âge qu'Edwin, répondit avec une grimace qui voulait être un sourire. « Mange, grand-père, tout ce que tu veux, les moules ou les crabes, il y en a quatre. » L'enthousiasme paralytique du vieillard faisait peine à voir. Il s'assit sur le sable aussi rapidement que le lui permirent ses membres raides et se mit à tirer des charbons ardents une grosse moule de rocher. La chaleur avait écarté les deux coquilles et la chair de la moule apparaissait de couleur saumon et cuite à point. Entre le pouce et l'index, avec une hâte tremblante, le vieillard se saisit de ce succulent morceau et le portait vivement à sa bouche. Mais la moule était brûlante, et l'instant d'après il la recrachait violemment en poussant des hurlements de douleur. Des larmes se prirent à couler le long de ses joues. Les jeunes garçons étaient de vrais petits sauvages et sauvages étaient leur cruelle gaieté. Ils éclatèrent de rire devant la déconvenue croissante du vieillard, qu'ils trouvèrent fort divertissante. Ouhou en faisait en l'air d'interminables cabrioles, tandis qu'Edwin se roulait en pouffant sur le sol. Attiré par le bruit, le petit chevrier accourut et partagea bientôt leur hilarité. « Fais-les refroidir, Edwin, fais-les refroidir !» supplia le vieillard dans sa souffrance et sans même essuyer les larmes qui continuaient à ruisseler de ses yeux. « Fais aussi refroidir un crabe, Edwin. Tu sais comme ton grand-père aime les crabes. » Un grand grésillement s'éleva du feu, qui faisait s'ouvrir et éclater, dans une vapeur humide, toutes les coquilles des moules. Ces mollusques étaient pour la plupart de forte taille et mesuraient de 3 à 6 pouces de long. Les gamins les tirèrent hors du feu à l'aide de petits bâtons et les alignèrent sur une vieille souche de bois flottée pour qu'ils y refroidissent. Le vieux gémissait. De mon temps, on ne se moquait pas ainsi des anciens, on les respectait. Les jeunes garçons ne prêtèrent nulle attention aux plaintes et aux récriminations de l'ancêtre, mais le vieux, cette fois, fut plus prudent et ne se brûla point la bouche. Tous s'étaient mis à manger, en faisant grand bruit avec leur langue et en claquant des lèvres. Le troisième gamin, qui s'appelait Bec de Lièvre et avait envie de rire encore un brin, déposa sournoisement une pincée de sable sur une des moules qu'il tendit aussitôt au vieillard. Celui-ci, l'ayant porté à sa bouche, le sable écorcha ses gencives et ses muqueuses et il en fit une horrible grimace. Le rire alors reprit tumultueux. Le vieux ne se rendait pas compte que c'était un mauvais tour qu'on lui avait joué. Il bredouillait lamentablement et crachait à force, jusqu'à ce qu'Edwin, pris de pitié, lui tendit une gourde d'eau fraîche dont il se rinça la bouche. « Voyons, où sont les crabes ?» demanda Edwin. « Grand-père aujourd'hui est un appétit. » En entendant parler de crabes, les yeux du vieux s'éclairèrent de gourmandise, et Ouhou l'entendit un, qui était fort gros. La carapace était au complet avec toutes ses pattes, mais elle était vide. De ses mains tremblantes, avec de petits cris d'impatience, le vieillard brisa une des pattes et n'y trouva rien que du néant. Il gémit. « Un crabe, Ouhou, donne-moi un vrai crabe !» Ouhou répondit. « On s'est moqué de toi, grand-père, il n'y a pas de crabe, je n'en ai pas trouvé un seul. » Le désappointement se peignit sur le visage ridé de l'ancêtre. Il se reprit à pleurer abondamment, tandis que les gamins ne se tenaient pas de joie. subrepticement, ou remplaça la carcasse vide que le vieux avait déposée par terre devant lui par un crabe plein, dont il avait fait craquer pattes et carapace et dont la chair blanche émettait un fumet délicieux. Les narines du vieillard en furent divinement chatouillées et il abaissa son regard tout étonné. Sa maussade humeur se mua instantanément en gaieté. Il renifla, renifla, puis, avec un ronron de béatitude, il commença à manger. Et tout en mâchant des gencives, il marmottait, mot qui n'avait aucun sens pour ses auditeurs. « Mayonnaise, mayonnaise. » Il fit claquer sa langue et continua. « De la mayonnaise, voilà qui serait bon. Et dire que voici plus de 60 ans qu'on en a vu. Deux générations ont grandi sans connaître son merveilleux parfum. Dans tous les restaurants, autrefois, on en servait avec le crabe. » Quand il fut rassasié, le vieux soupira, s'essuya les mains sur ses cuisses nues et son regard se perdit sur la mer. Puis, dans le bien-être d'un estomac bien garni, il se mit à fouiller au tréfonds de sa mémoire. « Savez-vous, mes enfants, savez-vous bien que j'ai vu ce rivage grouillant de vie ? Hommes, femmes et enfants s'y pressaient tous les dimanches. Il n'y avait pas d'ours pour les dévorer, mais là-haut, sur la falaise, un magnifique restaurant où l'on pouvait trouver tout ce qu'on désirait manger. 4 millions d'hommes vivaient alors à San Francisco, et maintenant, dans toute cette contrée, il n'en reste pas 40 au total. La mer aussi était pleine de bateaux, et de bateaux qui passaient et repassaient la Porte d'Or. Et il y avait dans l'air quantité de dirigeables et d'avions. Ils pouvaient franchir une distance de 200 miles à l'heure. Oui, c'était la vitesse minima qu'exigeaient les contrats de la compagnie aérienne, qui assurait le service postal entre New York et San Francisco. Il y avait un homme, un Français, qui avait offert la vitesse de 300 miles. Ceci avait paru beaucoup et trop risqué aux gens rétrogrades. N'importe, le Français tenait le bon bout et il aurait mené son affaire à bien, n'eût été la grande peste. Au temps où j'étais enfant, il existait encore des gens qui se souvenaient d'avoir vu les premiers aéroplanes. Moi, j'ai vu les derniers, il y a de cela 60 ans. Les gamins l'écoutaient monologuer d'un air distrait. Ils ne comprenaient pas les trois quarts des choses dont il parlait, et ils étaient là de l'entendre ainsi rabâcher. D'autant qu'au cours de ses rêveries à haute voix, il employait un anglais plus pur, qui n'avait qu'un lointain rapport avec le jargon grossier dont il se servait et dont il usait vis-à-vis d'eux. Il continua. Les crabes, par contre, en ce temps-là, étaient plus rares. On les pêchait partout, et c'était un mets très apprécié. La pêche en était autorisée un mois seulement, chaque année. Aujourd'hui, on peut les capturer d'un bout de l'an à l'autre bout. Cela, jadis, aurait paru merveilleux. À ce moment, une vive agitation qui se produisit parmi les chèvres paissant sur les dunes fit se lever les trois jeunes garçons. Les chiens accroupis autour du feu coururent rejoindre leurs camarades, qui étaient restés à côté des chèvres et qui grognaient furieusement. Tout le troupeau rappliquait vers ses protecteurs humains. Une demi-douzaine de formes grises et efflanquées glissaient furtivement sur le sable et tenaient tête aux chiens dont le poil se hérissait. Edwin lança sur elle une flèche qui manqua son but. Mais Bec de Lièvre, armé d'une fronde toute semblable à celle qui dut servir à David dans sa lutte contre Goliath, fit tourbillonner une pierre dont le vol rapide siffla à travers l'air. La pierre tomba, en plein parmi les loups, qui disparurent vers les noires profondeurs de la forêt d'eucalyptus. Leur fuite fit rire les trois gamins. Satisfaits, ils revinrent s'étendre sur le sable près de l'ancêtre qui geignait lourdement. Il avait trop mangé et sa digestion était pénible. Et tout en tenant sur son ventre ses deux mains aux doigts entrelacés, il poursuivait ses lamentations. Le travail de l'homme est éphémère et s'évanouit comme l'écume de la mer. Oui, c'est bien cela. L'homme a sur cette planète domestiqué les animaux utiles, détruit ceux qui étaient nuisibles. Il a défriché la terre, il a dépouillé de sa végétation sauvage. Puis un jour, il disparaît. Et le flot de la vie primitive est revenu sur lui-même, balayant l'œuvre humaine. Les mauvaises herbes et la forêt ont de réchef envahi les champs. Les bêtes de proie sont revenues sur les troupeaux, et maintenant il y a des loups sur la plage de Cliff House. Il parut effrayé à cette pensée, s'arrêta, puis reprit. Si 4 millions d'hommes ont disparu en un seul pays, si les loups féroces errent aujourd'hui à cette place, et si vous, progéniture barbare de tant de génie éteint, vous en êtes réduit à vous défendre à l'aide d'armes préhistoriques contre les crocs des envahisseurs à quatre pattes, c'est à cause de la mort écarlate. Écarlate, écarlate, murmura Bec de Lièvre à l'oreille d'Edwin. Grand-père répète souvent ce mot, sais-tu ce qu'il signifie ? Le vieux avait entendu la question et déclara de sa voix aigrelette « L'écarlate de l'érable à la saison d'automne me fait tressaillir comme une sonnerie de clairon qui passe », a dit un poète. Edwin expliqua avec de lièvre « L'écarlate, c'est rouge. Tu ne sais pas cela parce que tu as été élevé dans la tribu du chauffeur. Aucun de ses membres n'a jamais rien su. L'écarlate est rouge, je le sais, moi. » Bec de lièvre protesta. « Si l'écarlate est rouge, pourquoi ne pas dire rouge? À quoi bon compliquer les choses par des mots que l'on ne comprend pas? Rouge et rouge, voilà tout. » « Rouge n'est pas le mot propre, » rétorqua le vieux. « La peste n'était pas rouge, elle était écarlate. Le corps et la figure de celui qui en était atteint devenaient écarlates dans l'espace d'une heure. Je le sais, je l'ai vu. C'est écarlate qu'il faut dire. » Mais Bec de Lièvre n'était pas convaincu. Il s'obstina. « Rouge est assez bon pour moi. Papa n'emploie pas d'autres mots. Il dit que tout le monde mourut de la mort rouge. » Le vieux s'irrita. « Ton père, comme l'a dit Edwin, est un homme du commun, né d'un homme du commun. Il n'a jamais eu aucune éducation. Ton grand-père était un chauffeur, un domestique. Ta grand-mère, il est vrai, était de bonne souche. C'était une lady, mais ses enfants, ni ses petits-enfants, ne lui ressemblèrent. Avant la mort écarlate, elle était la femme de Van Varden, un des 12 manias de l'industrie qui gouvernait l'Amérique. Il valait plus d'un milliard de dollars. Tu entends bien, Edwin, plus d'un milliard de petites pièces pareilles à celles que tu as dans la poche. » Puis, vint la mort écarlate, et cette femme devint la femme de Bill, le chauffeur. Il avait l'habitude de la battre. Je l'ai vue de mes propres yeux. Voilà, Bec de Lièvre, qui fut ta grand-mère. Houhou, durant ces discussions, paresseusement allongé sur le sable, s'amusait à y creuser une tranchée. Tout à coup, il poussa un cri. Son orteil s'était heurté à un corps dur auquel il s'était écorché. Il se redressa et se mit à examiner le trou qu'il avait creusé. Les deux autres garçons se joignirent à lui et rapidement, tous trois continuèrent à fouiller, enlevant le sable avec leurs mains. Trois squelettes apparurent. Deux étaient des squelettes d'adultes et le troisième avait appartenu à un adolescent. L'ancêtre vint, sur ses genoux, jusqu'au trou au-dessus duquel il se pencha. « Ce sont, annonça-t-il, des victimes de la peste écarlate. Voilà comment on mourait, n'importe où. Ceci fut sans doute une famille qui fuyait la contagion et qui est tombée ici, sur la grève de Cliff House. Il... Mais que fais-tu là, Edwin ?» Edwin, avec la pointe de son couteau de chasse, avait commencé à faire sauter les dents de la mâchoire d'un des squelettes. « Seigneur, que fais-tu là ? » répéta le vieux tout effaré. « C'est pour les enfiler, » répondit le gamin. Les deux autres garçons imitèrent Edwin, grattant ou cognant de la pointe ou du dos de leur couteau. Le vieux gémissait. « Vous êtes des sauvages, de vrais sauvages. La mode vient déjà de porter des parures de dents humaines. La prochaine génération se percera le nez, les oreilles, et se parera d'os d'animaux et de coquillages. Aucun doute là-dessus. » La race humaine est condamnée à s'enfoncer de plus en plus dans la nuit primitive, avant de reprendre un jour sa réascension sanglante vers la civilisation. Le sol, aujourd'hui, est trop vaste pour les quelques hommes qui y survivent. Mais ces hommes croîtront et multiplieront, et dans quelques générations ils trouveront la terre trop étroite et commenceront à s'entretuer. Cela, c'est fatal. Alors ils porteront à la taille l'escalade de leurs ennemis, comme toi, Edwin, qui est le plus gentil de mes petits-enfants. Tu commences déjà à porter sur l'oreille cette horrible queue de cochon. Crois-moi, mon petit, jette-la au loin. » L'extraction des dents des trois squelettes était terminée et les trois jeunes garçons se mirent en devoir de se les partager équitablement. Ils étaient vifs et brusques dans leurs gestes et dans leurs paroles, et la discussion fut chaude. Ils s'exprimaient par monosyllabes, en phrases courtes et hachées. Puis, satisfaits de leur trouvaille, ils s'assirent en rond autour de l'ancêtre et tout en jouant avec les petits bouts d'ivoire, Bec de Lièvre demanda « Veux-tu, vieux, nous parler un peu de la mort rouge ?»« De la mort écarlate, » rectifia Edwin.